Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous présente aujourd'hui de l'expérimentation à l'esthétique. Monsieur Schaeffer, vous connaissez l'histoire des mirages ? J'ai appris ça en classe. Eh bien, depuis quelques semaines, après avoir quitté les riantes contrées de la musique civilisée, j'ai presque l'impression de vous suivre dans le désert. Qu'appelez-vous le désert ? Vos caravanes y sont déjà passées, monsieur Schaeffer. Et vous me décrivez vous-même complaisamment les carcasses qu'elles ont abandonnées. À notre dernière oasis, nous avons aperçu les dépouilles des bruiteurs italiens, et à l'oasis précédente, c'était les dépouilles du solfège. Les notes de musique desséchées, inutiles, n'étaient plus que les momies des sons réels, sur le tout régnant l'accablant soleil de votre science acoustique. Mais où sont les neiges d'antan ? Surtout dans une ville de province, mettons Nancy, mettons Poitiers, mêlée au chant du rossignol du parc municipal, une valse de Chopin, les amours du poète. On n'est pas doué pour l'avenir si l'on n'est pas fortement attaché au passé. Ah, elle est forte, celle-là. Vous n'arrêtez pas de dire le contraire. Je me suis mal fait comprendre. Ce qui est néfaste pour le progrès, c'est l'attachement que nous avons, non pour les réalités anciennes toutes précieuses, mais pour les idées que nous nous en faisions, toutes mesquines. Expliquez-vous. Quand nous sommes à la veille d'une grande innovation, d'une trouvaille inespérée, bien que tentés par elle, nous luttons de toutes nos forces pour la raccrocher au passé. Qui a dit que l'homme entrait dans l'avenir à reculons ? Vous en tout cas, mademoiselle. Alors vous êtes entrée dans la musique concrète à reculons. Oui, comme ça. En effet, c'est enfantin. Vous étiez content de vous ? J'étais prêt à renouveler le fatal geste de Vatel. Avec un magnétophone, c'est difficile. C'était avec un pick-up. Avouez que la pointe est un peu courte. Mais avec ce misérable pick-up, vous avez quand même découvert le sillon fermé. À contre-cœur, mademoiselle. Quand vous trouvez ça, que pensez-vous de vous ? Si j'avais trouvé ça, j'aurais sauté de joie. Tout à fait dans le genre de la fille du notaire et de la sous-préfète. Et du fameux disque d'Edith Piaf, vous savez, arrêtez la musique. Et en effet, dans les sillons fermés, la musique était arrêtée. Comme vous l'avez si intelligemment fait remarquer par la suite, vous aviez arrêté le temps musical, refermé l'objet sur lui-même et, indépendamment de la trouvaille fortuite, apparemment surréaliste, anecdotique. Et c'est-à-dire de l'aspect sémantique. Oui, vous veniez de poser le premier acte d'une conception musicale radicalement nouvelle. Vous passiez d'une dialectique des notes de musique à une organisation des objets. D'où sortez-vous tout ça ? Toujours mes connaissances livresques. Vous avez écrit cela 50 fois. Eh oui, comme le mauvais élève à qui on dit, vous savez, vous écrirez 50 fois ceci, cela. Car au début de cette aventure, j'étais bien entendu mon propre mauvais élève. Je n'en croyais pas mes oreilles et littéralement, je ne comprenais pas ce que je faisais. La réalité dépasse la fiction. Eh oui. Mais attendez, j'ai un scrupule. En parlant du sillon fermé, vous avez bien dit sémantique. En effet, alors. Là, je suis profondément troublée. Faites-moi encore entendre deux ou trois sillons fermés, que nous nous mettions bien d'accord. Alors, où est la sémantique et l'esthétique ? Eh bien ici, attention. Je considère que chacun de ces éléments, fermé sur lui-même, fait peu à peu oublier son contenu esthétique ou musical propre. Il devient un matériau. On oublie qu'il joue le ré mi fa sol, qu'il est majeur ou mineur, pour ne percevoir que sa forme générale est les relations d'objet à objet. Tenez, de même que... Et dans la... Et qu'elle a... On oublie peu à peu qu'il s'agit de Sacha Guitry. On ne s'intéresse plus à ce qu'il raconte. Ce fragment de texte, par répétition, fait oublier sa valeur sémantique et on ne s'attache plus qu'à sa valeur formelle. Mais c'était là vos débuts, l'expérience surréaliste. Début certes, maladroit et abrupt, Mais 10 ans après, sont rejoints avec beaucoup plus de moyens, de techniques et sans doute plus de talent par des musiciens appartenant tout aussi bien à la tendance sérielle ou électronique. Vous avez des preuves ? Notre ami Philippot a extrait, d'un texte de Mallarmé dit par Nelly Delmas, des phonèmes utilisés pour leur caractère formellement musical et d'où toute information sémantique est exclue. C'est bizarre. Il faut un certain effort pour s'abstraire. Voyez-vous, dans une nouveauté, la difficulté est double. On demanderait volontiers au compositeur que sa trouvaille soit miraculeusement déjà classique. Et elle n'est classique, bien entendu, que si l'auditeur en a déjà fait son habitude. Il n'y a pas d'autre exemple ? Si, Stockhausen dans Gesang der Jünglinge, et plus nettement encore Luciano Berio, s'appuyant sur un texte de Joyce, dit par trois voix, parlant français, anglais, italien, il en tire des structures où le message sémantique s'est complètement dissous et transmué en message esthétique. C'est très intéressant, mais fortement manipulé. Certes, ces déformations du son naturel, que vous semblez ne pas aimer, jouent là un rôle de premier plan. Filtrage électrique, accéléré, mixage, réverbération, etc. Vous renoncez vous-même, paraît-il, aux déformations. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer, sur le même thème, une évolution à 10 ans de distance. Vous savez que mes premiers essais m'ont porté à flirter avec les locomotives. Oui, la célèbre étude au chemin de fer. À cette époque, j'étais bien obligé d'arracher de vive force la musique au bruit, autrement dit d'extraire à coup de pioche, si j'ose dire, la pépite esthétique du minerai sémantique. Aïe, aïe, aïe. Vous allez comprendre. Je vais vous rejouer ce vieux disque qui gratte et où des chemins de fer découpés en morceaux livraient tant bien que mal rythmes, vagues complexes harmoniques, des cellules, comme je disais. Ces cellules pouvaient former des successions. Et le fait de pouvoir répéter en la variant cette succession m'était une preuve irréfutable que je commençais peut-être à faire de la musique. Ce n'était pas l'avis de vos détracteurs. Mais ces expériences n'étaient pas destinées au grand public pour lequel demeure le malentendu sémantique, c'est-à-dire l'équivoque du bruit. C'était une expérience de laboratoire et comme telle, elle était non seulement passionnante, mais je dirais convaincante. Vous voyez, ces deux séries affirment la volonté du compositeur de reproduire la même formule, mais en la variant quelque peu. Thème et variation. Eh bien, pour qui travaille au tourne-disque, autant dire avec le pic du mineur, dans une obscurité totale, c'était là une belle lumière, une grande récompense. Mais aussi entrer dans l'avenir à reculons, non ? Ceci est une autre question. La nouveauté technique, ici, n'est plus en jeu, c'est le débat éternel de l'esthétique musicale, si elle est fondée sur identité et variation, ou si, au contraire, elle est un perpétuel renouvellement du présent, voire une dialectique du hasard, comme le pensent certains de nos collègues. Toujours la querelle des anciens et des modernes. Oui, mais l'important est que vous compreniez que, même si cette querelle d'ailleurs féconde, renaît à propos des machines, les machines ne sont pas en cause. C'est une question de pure conception musicale, de parti pris esthétique. Et vous êtes pour quoi, vous ? J'avoue ma foi naïve, dans le concept de répétition-variation, qui me paraît le fondement de la musique, comme d'ailleurs de bien d'autres choses. Mais je voudrais vous montrer que la musique la plus concrète peut rejoindre, si l'on va par là, les défenseurs du présent perpétuel. Exemple ? Eh bien, si le compositeur ultramoderne doit structurer sa musique sur un emploi habile du hasard, pourquoi ne pas choisir, dans des événements sonores naturels, des fragments de présent suffisamment remarquables ? Cet exercice musical demande non seulement l'adhésion, mais une immense part de création volontaire de l'auditeur. Je vais vous faire entendre une séquence de chemin de fer nouvelle manière. Sans déformation ? Sans déformation, bien entendu. Si autrefois je déformais, c'était pour obliger mon auditeur, faire éclater pour lui l'écorce sémantique, afin de lui révéler le message esthétique. C'est à lui maintenant de briser l'écorce et de croquer l'amande. Alors croquons ? C'est-à-dire que vous allez dédoubler votre écoute. Vous ferez une écoute poétique, bien entendu, dont vous ne pourrez vous abstraire totalement, qui vous racontera la gare presque silencieuse, les trains lointains, la porte qui roule, etc. Mais, volontairement, vous ajouterez à cette écoute, vous lui substituerez, si possible, une volonté d'écoute musicale, non pas que les trains soient beaux et la gare symphonique, mais le pianissimo du début aura un temps calculé qui amènera convenablement l'entrée de tel ou tel événement sonore. Les trois grincements de train seront comme trois reprises d'un motif légèrement varié. Et du grave à l'aigu, les coups de marteau dans le hangar, le vrombissement d'un avion qui passe, le frottement du rail, le sifflet du chef de gare, seront étagés, structurés, comme dans un orchestre, la batterie, la contrebasse, les cuivres, le piccolo. Eh bien, je vais m'efforcer d'être aussi peu sémantique que possible. Êtes-vous convaincu ? Actuellement, oui. Je ne serai peut-être plus dans un quart d'heure. Peut-être que dans un quart d'heure, au contraire, revenu à la vie ordinaire, vous vous surprendrez à entendre d'une autre façon, à apprécier ces multiples rapports, ces rencontres heureuses ou lassantes que font la ville ou la campagne, la mer ou le vent, qui jouent de merveilleux morceaux ou, sempiternellement, leur cinquième symphonie. C'est comme Messiaen et les oiseaux. Messiaen est doué de cette oreille, plein de cette curiosité. Son écoute des oiseaux lui a révélé probablement plus de combinaisons sonores, plus de secrets de la musique que l'enseignement de bien des maîtres. Je comprends qu'il aime la musique concrète. Et moi, je comprends seulement aujourd'hui la phrase surprenante qu'il prononça il y a bientôt 10 ans en entrant dans ce studio. Moi, tout fier de mon matériel sonore, je m'apprêtais à le voir architecturer je ne sais quel turangalila de son concret. Et je fus déçu. Il murmura avec ce mélange de naïveté et de malice que nous lui connaissons bien. Je voudrais le moins de son possible. Il faut avouer que c'était décevant. Presque pas de son, disait-il. Et alors ? Ne comprenant pas très bien ce qu'il voulait, je laissais Pierre-Henri, qui avait été son élève, lui fournir ce presque pas de son qu'il demandait. Et cela a donné timbre duré. C'est bizarre. C'est bizarre parce que personne ne s'était bien compris. Pourquoi ces robinets d'eau ? C'est là le malentendu, justement. Pour l'auditeur non averti, c'est un robinet d'eau, information sémantique. Pour Messiaen, c'était un son suffisamment informe, ou si bien terriblement fluctuant, pour mériter une construction en timbre et en durée. À condition de s'abstraire. C'est la musique abstraite? Bien entendu. Comme pour timbre duré, comme pour l'écoute des oiseaux et des chemins de fer, c'est l'auditeur qui doit faire, à son tour, la démarche d'abstraction, sa musique abstraite. C'est beaucoup demandé à l'auditeur. Et c'est peut-être là la grande nouveauté en musique. Comme en peinture, comme dans les autres arts et en sciences surtout, l'imagination du sujet est désormais provoquée à outrance. On lui propose un objet, à lui de faire le reste. En admettant que vous ayez raison, que le son musical soit à la fois si riche et si contradictoire, comment expliquez-vous qu'on s'en aperçoive seulement maintenant? Eh bien, pour deux raisons, je pense. L'une est l'intrusion de moyens nouveaux qui remettent tout en question, mais l'autre est aussi une certaine usure de l'expression traditionnelle. Vous dites d'une part « moyens nouveaux » et d'autre part « usure des moyens d'expression ». Ainsi, les moyens renouvellent l'expression. Oh, c'est trop vite dit. Et cette idée qui court les rues est probablement une idée très fausse. En effet, j'ai toujours cru « moyens nouveaux », « œuvres nouvelles ». Eh bien, tout le monde le croit et pas moi. Je crois d'abord qu'il n'y a pas tellement de moyens nouveaux, mais que les moyens nouveaux surgissent, sont pris en compte, si vous voulez, lorsque l'expression traditionnelle connaît une défaillance. C'est alors que les moyens nouveaux apparaissent en sauveteurs. Et apportent une expression nouvelle. Eh bien, justement, pas. Voulez-vous me dire, mademoiselle, ce qui est arrivé lorsque les instruments électriques sont apparus? L'orchestre les a digérés. Oui, on en a même fait des orgues de cinéma. Inversement, qu'est-il advenu des essais connus depuis 10 ans sous le nom de musique concrète, électronique, électromagnétique? On en a fait des musiques spécialisées, dépendantes, si je vous ai bien compris, de leur causalité instrumentale. Excellente réponse. Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre? Ce n'est ni l'un ni l'autre, ni absorption, ni révolution. Mais en réalité, et si important que soit le problème des moyens, il ne pose que des questions de moyens, il apporte ses problèmes propres, il ne résout aucun problème d'ordre esthétique, il les pose à nouveau dans une sorte de désarroi général. C'est son mérite. Jeter le désarroi. Oui, et faire table rase. Et débarrasser les traditionalistes de leurs limitations traditionnelles et les progressistes de leurs progrès problématiques. Ainsi, les machines ne sont d'aucune utilité. Ah, les machines sont utiles, si utiles, que c'est leur absence qui explique l'échec des bruiteurs italiens. Il a été tenté 50 ans trop tôt. Et vos machines, à vous? Sont la meilleure et la pire des choses, l'aide la plus perfide qui soit, les moyens les plus extraordinaires, à condition que notre esprit le soit un peu aussi. Un nouvel épisode de la lutte entre l'homme et la machine. Les machines sont faites pour servir, et elles pourront servir. Résumons-nous. Avec le bruit, vous êtes retourné aux sources. Vous avez démontré qu'il n'y avait pas de cloison étanche entre le son musical traditionnel et le bruit. Sauf un degré de complexité différent. Et un conditionnement de l'oreille. Vous avez demandé à ce que la musique renonce à être scientifique, mais progresse cependant grâce à une méthode expérimentale. Et nous avons fait aujourd'hui la part de l'audition, celle de l'écoute active. Et en somme, si j'ai bien compris, tout en apportant une quantité d'informations et de révélations, vous vous êtes refusé à tout débat esthétique. Je me suis efforcé de serrer les questions. Je tiens beaucoup à dire, je tiens beaucoup à ce que vous reteniez, qu'il y a le problème des moyens, ses incidences sur l'esthétique, certes, mais que le problème de la musique reste entier. Et c'est ce moment que vous choisissez pour vous taire. Clore la série de ces 6 entretiens et nous laisser sur notre faim. Je ferme cette porte, la porte du laboratoire, en somme, ou sans être tout à fait sûr de moi, je suis assuré de ne pas trop dire de bêtises. Mais, mademoiselle, je suis prêt à vous en ouvrir une autre, si cela vous plaît, qui donne sur la classe de composition. Vos élèves vous y attendent, je suppose, confiants et disciplinés. Dans cette classe, mademoiselle, où personne n'est ni discipliné ni soumis, je m'assois timidement au dernier banc, m'estimant trop heureux d'y avoir une place. Mais non. Michel Philippot, Yanis Xenakis, Luc Ferrari, François Mache. C'est eux qui vont s'expliquer à présent? Vous ne parlerez plus? Nous parlerons à tour de rôle et le moins possible. Ce sont les œuvres, ou ce que nous appelons plus volontiers des études, qui devront parler pour nous. Eh bien, ouvrons cette porte. Passez, mademoiselle, car c'est maintenant à vous de vous asseoir au ministère public. L'expérience musicale, avouez-le, ne saurait se passer d'auditeur. Vous êtes trop bon de le rappeler. Rendez-vous à 8 jours donc pour le premier de ces concerts nocturnes qui sera consacré à Luc Ferrari. Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous a présenté de l'expérimentation à l'esthétique. La semaine prochaine, à la même heure, expérience numéro 7 avec Luc Ferrari.